La musique fantastique n'est pas apathique. C'est avec volonté qu'elle transmet ses qualités. La musique mélodieuse est vraiment minutieuse. Elle exerce son art et aime beaucoup la guitare. La musique sympathique nous donne de la joie. Elle nous fait rêver et nous invite à chanter de surcroît. Jouer de la musique occupe l'esprit. De cet art on aime la géométrie. Et son abstraction le gouraphie. Les mélomanes en font l'apologie. La musique fantastique n'est pas apathique. C'est avec volonté qu'elle transmet ses qualités. La musique mélodieuse est vraiment minutieuse. Elle exerce son art et aime beaucoup la guitare. Elle nous entraîne dans un monde onirique d'ondes fécondes. Avec elle la matière vibre, les mains donnent de l'équilibre. Les équations mathématiques sont les mères de la musique. L'invention du cycle des quatre par Pythagore a été peinte.